Chapitre 4. Monsieur de Bièvre passa une semaine à Étiole. Il fut presque toujours seul avec la douairière et Antoinette, Guy étant continuellement chez les voisins. Madame de Breuil, les Blainville, les Noirval, Bessèges et les Lassolet vinrent dîner, et ce soir-là seulement, Guy dîna chez lui. Il fut empressé, câlin, charmant pour madame de Blainville et pour la petite Lassolet, et ne parut pas s'apercevoir que madame de Breuil était là. Antoinette, habituellement assez indifférente, éprouva tout de suite pour madame de Blainville une antipathie spontanée et profonde. Cette jolie femme égoïste, autoritaire et nerveuse, terrorisant son mari et son entourage, imposant à tous sa volonté, bouleversant par ses caprices l'existence des siens, lui sembla malfaisante et haïssable. Elle la trouva, pendant cette soirée, absolument telle que les racontars mondains la lui avaient dépeinte. Madame de Breuil lui plut au contraire tout à fait. Cette grande créature souple, onduleuse, aux doux yeux tristes et limpides, au sourire voilé, devait être de qualité supérieure à celle de toutes les poupées au milieu desquelles elle vivait. Mais Antoinette s'aperçut bien vite qu'elle inspirait à la jeune femme, comme à madame de Blainville d'ailleurs, une aversion qu'elle laissait voir franchement, ne disant pas un mot à la comtesse et la regardant avec une attention pleine de malveillance, tandis que sa cousine, très gracieuse, se fouettait pour faire des frais, voulant montrer qu'elle était sincèrement ravie et du mariage et de la femme de son voisin, le plus voisin et le plus aimable. Le soir, la petite de Lassolet organisa une pique-nique pour la semaine suivante. On irait déjeuner à Liverdun. Après le déjeuner, on monterait voir l'église et on reviendrait dîner à Lassolet. Nous ferez-vous la grâce de venir, monsieur de Bièvre ? Demanda-t-elle à Jacques, qui écoutait sans rien dire les projets et les combinaisons. Ça dépend. De quoi ça dépend-il ? Des gens qu'on invitera. Mais d'abord tous ceux qui sont ici. Bien entendu. Ensuite ? Ensuite, monsieur de Fresnay. Bon. Les Louvains. Ça me va, les Louvains. La femme est adorable. Et le mari beaucoup plus intelligent que la moyenne. Les deux Prail, probablement ? Dit Antoinette, pour avoir l'air de s'intéresser à la conversation. « Ah non, je proteste, pas les deux Prail !» s'écria la petite de Lassolet. « Ah !» fit la comtesse étonnée. « Je disais ça parce que je croyais que vous étiez très liés avec eux. Mais qu'ils aillent ou n'aillent pas au pique-nique, ça m'est bien égal. » Et elle pensa. « D'autant plus égal que je n'irai pas moi-même. »« Certainement, je suis liée avec les deux Prail !» répondit la petite marquise. « Mais ça ne m'empêche pas de les trouver assommants et désagréables à voir. La mère est méchante. »« Les filles aussi !» s'écria avec conviction Bessèges, auquel son peu d'empressement envers mademoiselle de Prail avait attiré pas mal de mots aigres et de potins venimeux. « Les filles sont encore plus mauvaises que la mère, » déclara madame de Blainville. « Ah, dites donc ça, ma femme, qui ne veut pas le croire, » fit monsieur d'Étiole en riant, « n'est-ce pas, Antoinette ?»« Je ne crois rien. » Mais si les deux Prail sont méchantes, la faute n'en est pas tout à fait à elles. Il n'est rien de plus triste, selon moi, que la situation d'une mère qui ne trouve pas à marier ses filles. Si ce n'est la situation de filles qui ne peuvent pas se marier. Madame de Prail est toujours insupportable, je le reconnais. Les petites sont quelquefois pointues et peu polies. Mais je ne leur en veux pas de ça, et je les plains beaucoup. Vous êtes bien bonne, madame, dit madame de Noirval. Elles ne sont pas, je vous assure, dans les mêmes dispositions bienveillantes envers vous. « Ah, c'est que je ne suis pas à plaindre !» s'écria gaiement Antoinette. « Ma mère veut dire que ces dames ne perdent pas une occasion de vous déchirer !» rectifia le petit Noirval. La comtesse sourit. Elle le savait bien qu'elle était déchirée par les deux Prail, et elle songeait qu'elle était, parmi toutes ces femmes qui se disaient leurs amies, la seule qui prit leur défense. « Il me semble, » observa la douairière, que si les deux Prail, que pour ma part j'aime modérément, ennuient tout le monde, il serait facile de les écarter un peu. « C'est très difficile, au contraire, » répondit madame de Blainville. « Eh, parbleu oui, » dit moqueusement Jacques de Bièvre, « vous ne soupçonnez pas les difficultés immenses d'une mesure semblable. Ils sont embêtants, ces bons de Prail, oh oui, profondément embêtants. » Embêtant avec solennité et grandeur, c'est indiscutable, mais ils sont bien nés, bien alliés, tenez. Demandez à madame de Blainville si jamais elle consentirait à écarter cette bonne mère Prail. Madame de Blainville lança à Jacques un regard mauvais. elle ne lui pardonnait pas de découvrir presque toujours le mobile plus ou moins élevé qui la faisait agir, et de ne pas se laisser éblouir et rouler par elle comme les autres. Aussi déclarait-elle que M. de Bièvre était un esprit dangereux. « Continuons notre liste d'invitations, » proposait la petite de la Soleil, complètement emballée pour son pique-nique. « Donc, c'est dit, pas les deux Prailles. » « Les pauvres petites, » dit Antoinette, attristée de les voir mises de côté. « Ça va leur faire de la peine. C'est toujours gentil, des jeunes filles gaies et meublants. Pas celles-là. »« Mais non, » s'écria le comte, « pas celles-là. Elles ennuient tout le monde. » Antoinette le regarda étonnée. Dans ce milieu banal et faux, devenait-il donc banal et faux, lui aussi? Comment? Il était gentil, prévenant pour Madame de Prailles et pour ses filles. Il les accablait de politesse. Il semblait heureux de les rencontrer et de les recevoir. Et parce que d'autres femmes auxquelles il faisait également bonne mine les débinaient, il se mettait à les débiner aussi. Elle trouvait cela vilain et petit. Alors, pour la première fois, elle heurta son mari de front. « Je ne comprends pas que vous vous acharniez ainsi aujourd'hui contre les deux Prailles, qu'à d'autres moments vous traitez comme des amis, » dit-elle brusquement. « Et je ne vois pas pourquoi vous voulez aussi priver d'un plaisir ces pauvres femmes qui, en somme, ne sont pas bien gênantes. » Madame de la Praille est hors d'âge, et ses filles n'ont pas le montant nécessaire pour attirer à elles les hommages et les admirations. Elles sont trop jeunes filles pour inquiéter personne. Moi, je n'irai pas à ce pique-nique. » Comme Bessège et Noirval semblait protester contre cette décision, elle reprit en regardant la douairière de ses bons yeux suppliants. « J'ai affaire à Nancy ce jour-là avec ma belle-mère. Eh bien, je demande qu'on emmène à ma place les deux Prailles. » En apprenant que Madame d'Étiol ne serait pas de la partie, le gentil museau de la petite La Soleil s'éclaira et elle répondit gracieusement « Mais on les emmènera si ça vous fait plaisir, chère madame. » Et d'un petit ton doux et caressant, elle acheva. « Et vous, ne pourriez-vous pas remettre cette affaire et d'être aussi des nôtres ?»« Oh non, c'est impossible, n'est-ce pas, madame ?»« Oui, ça ne se peut pas, » appuya la douairière, venant au secours de sa belle-fille. Bessège s'était rapproché de la comtesse. Il attira près d'elle un pouf et, s'y asseyant, demanda à mi-voix, « Sérieusement, vous ne viendrez pas à Liverdun lundi ?» « Non, » dit Antoinette très haut. Il continua, baissant le ton encore davantage. « On s'assommera sans vous. » Elle le regarda surprise. « Et pourquoi donc ça ? Mais parce que vous êtes la gaieté même, et que sans vous, ces petites fêtes manquent de charme. Pour moi, je ne suis heureux que quand vous êtes là. » « Alors vous devez être rarement heureux. » « C'est vrai. Et qu'est-ce que vous ferez lundi ? Mais je l'ai dit, j'irai à Nancy. » « Oui, dans la journée, mais le matin. Vous monterez à cheval, probablement. »« Probablement. »« Seul, alors, puisque d'Étiol sera à Liverdun. »« Mais je monte seul, très souvent. »« Hein ?» fit Bessège, l'air surpris et ravi. « Ah, je ne savais pas que vous montiez seul. » Elle répondit distraitement. « Je ne vois pas trop quel intérêt ça a. » Elle était occupée de Madame de Breuil, qui, très pâle, les yeux brillants, les lèvres blanches, suivait des yeux le comte qui causait avec la petite de la Soleil. Il avait attiré à ses pieds un coussin et s'y était assis, lui parlant bas et jouant avec un très long ruban bleu qui pendait de sa ceinture. Elle l'écoutait en souriant de son petit sourire fané, éclatant de temps à autre d'un rire banal qui sautillait sur une note grêle et monotone. Antoinette voyait que Madame de Breuil s'appliquait de toutes ses forces à entendre ce que disait Guy, tandis qu'elle, au contraire, entendait tout sans écouter. Alors, disait le comte, c'est décidé, vous ne voulez pas. Vous donnez mon éventail, mais non. Je vous en prie, répéta-t-il, suppliant comme un enfant gâté. Non, je vous dis. Eh bien, donnez-moi au moins ce ruban. Il vous a touché, lui aussi. Mais vous êtes fou. Je ne peux pas couper ma ceinture devant tout le monde pour vous la donner. Ah, ça m'est bien égal, je la veux. Oui, mais moi, ça ne m'est pas égal. « Et Madame d'Étiol, qu'est-ce qu'elle dirait ?»« Ma femme, oh, elle n'est pas jalouse, ma femme !» Il reprit, de plus en plus pressant, « Donnez-moi ce ruban, donnez-le-moi » La petite de la Soleil prit une rose attachée à son corsage et la lui tendant. « Tenez !» Il repoussa la rose. « Non, le ruban !»« Mais si vous voulez une chose qui m'est touchée, cette fleur m'a touchée bien plus bas que le ruban. » il répéta avec entêtement, « C'est le ruban que je veux. » Et sortant de sa poche une longue chaîne d'argent à laquelle pendait un tas de bibelots, il prit deux petits ciseaux qu'il ouvrit et coupa un morceau du ruban. Elle le laissa faire tout en paraissant chercher à l'en empêcher, regardant seulement si son mari ne s'était pas aperçu de ce petit manège. Gaston n'avait rien vu, tout occupé de décider avec les Blainville et les Noirval quels seraient les plats que chacun emporterait. Madame de Breuil s'est élevée d'un jet brusque qui contrastait avec l'harmonieuse lenteur habituelle de ses mouvements et était allée s'asseoir sur la terrasse. Antoinette la suivit, certaine maintenant de ce qu'elle avait soupçonné à la première rencontre. Elle plaignait de toute son âme cette femme qui, comme elle, aimait Guy et qui souffrait comme elle. De sa voix grave, elle demanda, s'approchant de Madame de Breuil, qui venait de s'asseoir dans un des grands fauteuils à bascule. « Ça ne nous intéresse pas beaucoup non plus, le pique-nique et les potins de clocher, n'est-ce pas, madame ?»« Non, » répondit brièvement la jeune femme. Mais voulant excuser la brusquerie de sa sortie, elle ajouta, « Il fait surtout dans le salon une chaleur extrême. J'ai tout fait. » « Moi aussi, » dit Antoinette, qui s'assit sans plus trouver un mot, décontenancée par l'hostilité sourde qu'elle sentait dans le silence même de Madame de Breuil. Alors toutes deux se mirent à écouter les phrases qui du salon arrivaient à elle, assourdies par l'air et la distance. « Il y a eu trop d'orage cette année, ça a tué les petits perdreaux. » « On dit toujours ça, et puis il y en a tout de même. » La voix de Bessèges s'élevait. « Moi, je ne vais jamais au théâtre que quand ça en vaut la peine, pour les pièces de Dumas, par exemple. » « Eh bien, elle n'est pas encore pour cette année, la pièce de Dumas. »« Ah ?»« Non, j'ai vu une note dans le Figaro qui annonçait que la route de Thèbes ne serait jouée aux Français qu'à la prochaine saison. »« Comment avez-vous dit ?»« Quoi, le titre ?»« La route de Thèbes ?»« Quel drôle de titre !» dit Madame de Blainville. « Est-ce que ça vous plaît, ce titre-là » La voix aigrelette de la petite La Solet s'écria. « Pas moi, toutes ces choses de l'histoire romaine, ces vieux jeux, c'est ça qui n'est pas fin de siècle. » Et Guy approuvait. « Ah, comme vous avez raison !» Antoinette éclata de rire. Aussitôt, la grande silhouette osseuse de M. de Bièvre parut dans le cadre de la porte. « Tiens, vous êtes là, toutes les deux, et vous écoutez l'intéressante conversation de ces dames ?»« Nous entendons. »« Ça revient même. C'est gentil, n'est-ce pas ?»« Quant à moi, la conversation de la petite La Solet me rajeunit de 15 ans. Qu'est-ce que je dis ? De 25 ans, au moins. Elle me fait vivre en pleine féerie. » « Ah, vous avez de l'imagination en vous. »« Non, j'ai de la mémoire. »« Dans mon enfance, on jouait une féerie. Je ne sais plus trop laquelle. Était-ce la chatte blanche, ou les pilules du diable, ou Cendrillon, ou Peau d'âne ? Je ne m'en souviens plus. Mais toujours est-il que l'héroïne de cette féerie s'appelait la princesse Grudindoire. Et la dite princesse n'entrait en scène que pour placer des phrases dans le genre de celle de la petite marquise. Vous saisissez ? Parfaitement. » Dans le salon, la conversation continuait. Vous ne connaîtriez pas dans votre village une femme grande, mince et bien faite ? Demandait Madame de Noirval à Monsieur d'Étiolles. J'en connais plusieurs. Qu'est-ce que vous voulez donc en faire ? C'est pour la faire poser. J'ai commencé à Paris une vierge que j'ai promise à mon curé pour le dimanche des courses. Je veux dire, pour l'Assomption. La femme avec laquelle j'ai commencé cette vierge était petite, mince, toute menue. Je n'ai pas terminé les pieds. Et comme elle est debout sur un nuage, les pieds se voient beaucoup, naturellement. Il faut qu'ils soient en harmonie avec le reste du corps, et je ne trouve pas de femme ici ressemblante à mon premier modèle. « Bah, » dit la petite marquise, « prenez la première venue, qu'est-ce que ça fait ? Tous les pieds sont pareils, n'est-ce pas ?»« Ça, » murmura Jacques, ahuri, « ça, c'est le bouquet. »